À la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine, Wild, du réalisateur Jean-Marc Vallée, en version française et en version originale anglaise. Si ta volonté te lâche, dépasse ta volonté. Emily Dickinson et Cheryl Strayed. Ça me désole que tu t'infliges une marche de 1500 km rien que pour... Finis ta phrase. Pourquoi je m'inflige tous ces kilomètres? Bon voyage, Cheryl. Et la solitude? Je me sens beaucoup plus seule dans la vraie vie. Ça a dû être une sacrée rupture. Oui, enfin, rupture, c'est un euphémisme. Je les aime tellement. Tu me manques. Tu me manques, mon Dieu. Ma mère, c'était l'amour de ma vie. Reviens ! Vous êtes héroïnomane et vous couchez avec le premier venu. Vous pensez abandonner parfois? Oh, seulement toutes les 2 minutes, je dirais. J'en ai abandonné des choses, moi. Entre les divorces, les démissions. Et vous avez des regrets? Oh, mais j'ai pas eu le choix. Sur mon chemin à moi, il n'y a jamais eu de croisement. Il y a des questions que je me pose. Et si je me pardonnais? Si je m'excusais? Même si je pouvais réécrire l'histoire, je ne changerais pas un iota. Et si c'était mon passé? Qui m'avait guidée jusqu'ici. Annie, du réalisateur Will Gluck, en version française. Tout le monde debout, la ville a appelé. Ils viennent en visite d'inspection. Et ils devraient pas le dire avant. Et moi, je devrais pas être mariée à George Clooney. Qui c'est George Clooney? C'est bien ce que je dis, jeune fille. Pas de petit déjeuner tant que cette maison ne brillera pas. Oui, mademoiselle Hannigan. La vie est trop dure. Tu cours. J'arrive plus vite où je veux aller. Ah, les enfants. Will, t'as vraiment marqué un point dans la course à la mairie. Ça touche les gens que t'aies sauvé une orpheline qui allait se faire écraser. Will Stax aimerait inviter Annie à déjeuner. Gardez-moi tout le temps que vous voulez. Elle rigole. C'est quoi l'idée là-dessous? Plus on me voit avec toi, mieux c'est pour ma campagne. Je parie que si je m'installais chez toi, tu deviendrais président. Tu comptes pas sérieusement faire ça? Oh. Alors c'est ça la vie avec un milliardaire? Le pire, c'est de goûter un jour aux bonnes choses, parce que ça dure jamais. Et après, tout ce que tu goûtes n'a plus aucun goût. Hein? Je t'ai préparé ton petit déjeuner. Mange avant que ça refroidisse. Alors là, c'est pas moi qui jetterai ma part au chien. Qu'est-ce que c'est? Du paprika? De l'origan? Je ne révélerai à personne que tu es attaché à elle. C'est un miracle. On a retrouvé ses parents. C'est presque sûr. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Le soleil viendra dès demain et la vie sera plus belle. Tout se passera bien, Sandy. Le soleil viendra dès demain. Nous devons donc tenir jusqu'à demain pour rêver. Depuis quand on finit par des chansons ici? Quelquefois, ce que tu cherches est juste sous tes yeux. La nuit au musée, le secret du tombeau, du réalisateur Sean Levy, en version française. Let the diversions begin. They're trying to catch the light. I know, but you can't do it, boys. You can't catch light. I should like to comment. Summon the apparatus. L. O. L. Laugh out loud. Yeah, that's what I did. This year. Have you ever seen it like this before? Never. The magic that brought them to life is running out. Teddy and Dexter, they're all acting weird. What are you doing? I don't think it was his fault. Oh, I'm Larry. I'll never blame a monkey daily. And he has one night. These guys depend on me.